Et ici, le bassin d'apprentissage de 180 mètres carrés. Et on peut voir ici à l'extérieur le bassin nordique. Tokiko prentsak aukera izan du ur zentroaren obrak zertan ziren ikusteko. Momentuko betoinaren kolorea du, baina egitura nagusia atera da jada lurretik eta barneko hiru bainatokiak pres dira. Orotara 10 igerilerro izango ditu guneak eta 200 lekuko armailak lehiaketak antolatzeko paradarek. Le particulier va descendre l'escalier, va arriver ici. Dans cette grande pièce qui est en fait recloisonnée avec des vestiaires traversants. On rentre d'un côté, on a les... Proiektua neurri handikoa da, baina helburu bakar batekin. Claude Olive, Angeluko auzapeza. L'idée c'est la nage, apprendre la nage. Apprendre l'apprentissage de la nage, c'est ce qui nous anime. Il n'y a pas de toboggan, on n'est pas sur une piscine pour faire des jeux. Grégoire Lascubé, Angeluko autetxia. Gazteriari hierika ikasteko, bon, urondi ondoan du, me urondi nagateko. Ba, kiu, udan inda handia ba urondiak, ba, hemen gaurrek ikaste mali maute, gero, aixo gainie urondira. Eskola hausiak jara etortzen zien, me, hoa etortzen aldie geixo etoriko die, bazinak handia guatie, etortzen alko die, gerota gehiago. Orain arte 16.000 ikasle hurbiltzen ziren urtean, zentro berriak 36.000 aur igurikatzen ditu. Langilegoa ere hirukoiztea aurre ikusten da. Eraikinaren santierraren aldetik, Norma Eko arduratsuak plantan eman dituzte. Besteak beste, zentroaren energiaren kudeaketan Claude Olive. Ça fait partie des bâtiments totalement vertueux qui sont aujourd'hui à la pointe de ce que l'on fait de mieux, hein, avec du photovoltaïque, une chaudière à bois, des pompes à chaleur, mais on a aussi une toiture qui est totalement végétalisée. Tout est fait dans ce bâtiment avec une éco-responsabilité première. El hogar ur zentro berriak ateak ireki beharko lituzke 2025ko irailean, jadanik abisatu du herriko etxeak, sartze prezioak hemendatuko dituzte.